un s'entendre peut s'entendre sans tendre l'oreille. L'essence du sang se perdre dans tous les sens et retenons la leçon que le son sonne comme le chant chansonne.